Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et si je vous demande quel est le propre de l'homme ou le propre de la femme, homme avec un grand H et femme avec un grand F, ben vous pensez à quoi? Le rire, la pensée, la conscience, la bipédie peut-être? Toutes ces réponses ont leur part de vérité, mais c'est au propre de la sexualité humaine qu'on va s'intéresser. En quoi la sexualité humaine se distingue-t-elle de celle des autres mammifères? Alors, on en parle avec Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonsoir Valérie. Alors, la sexualité, ou du moins la reproduction, n'est évidemment pas le propre de l'homme, mais l'homme et la femme ont quand même des caractères sexuels qui leur sont propres. Alors, si on commence par l'homme, par exemple, il n'a pas d'os pénien, mais non. C'est pourtant une exception. Ça a l'air d'être une exception dans le monde animal. Oui, c'est une exception. Je commencerai en disant que c'est normalement, on ne décrit pas une espèce en faisant la liste de ce qu'elle n'a pas. La liste serait infinie, puis ça ne nous dit rien de ce qu'elle fait. Si on dit qu'un éléphant ne vole pas, ça ne nous dit pas s'il creuse, s'il grimpe, s'il court, s'il nage. Oui. Mais si on fait une comparaison entre espèces, par exemple, alors entre l'humain et d'autres espèces de mammifères, il y a des absences qui sont très parlantes. Alors ça, c'en est une. La grande majorité des mammifères possèdent un os dans le pénis. Alors la question se pose, pourquoi l'humain n'en a pas? Ben, oui. Alors chez les autres espèces, on ne sait pas exactement la fonction de cet os-là. Et comme il y a peut-être 3000 espèces de mammifères sur 5000 qui en possèdent, il est très probable que la fonction n'est pas exactement la même chez toutes les espèces. Mm-hmm. Et donc, chez les espèces qui en possèdent un, c'est probablement très important. Évidemment, on devine que ça a un rapport avec la copulation. Ça doit faciliter quand même certaines choses. Mais dans la littérature, on ne s'entend pas sur la fonction. Est-ce que ça permet d'avoir une copulation qui est plus rapide, mm-hmm. qui est plus prolongée, qui est plus vigoureuse, qui a plus de succès? Est-ce que ça permet de stimuler le col de l'utérus pour stimuler l'ovulation chez la femelle? Oui. Toutes ces réponses sont probablement vraies, étant donné le grand nombre d'espèces. Mm-hmm. Mais de toute évidence, on n'en a pas absolument besoin, puisqu'il y a quand même quelques milliers d'espèces de mammifères qui n'en ont pas. Ah ben quand même, donc c'est pas une exception exceptionnelle. c'est pas une exception, mais si 80% des espèces en ont, la question se pose quand même, pourquoi les autres en ont pas, et particulièrement chez l'humain, puisque toutes les autres espèces de primates, donc l'ordre auquel on appartient, possèdent un os pénien. Mm-hmm. Donc la question se pose. Alors, normalement, on pose pas la question sur l'absence d'un caractère, mais quand l'animal est exceptionnel, comme par exemple un oiseau qui vole pas, mais la question se pose, pourquoi est-ce qu'il vole pas et qu'est-ce que ça fait dans sa vie? D'accord, donc ça c'est quand même... Mais ça ressemble en quoi, en fait, à un os pénien? C'est quand même assez intriguant. Est-ce que c'est grand? La forme varie beaucoup. La majorité des espèces, l'os pénien occupe toute la longueur du pénis. Et la forme varie. Par exemple, si on était à la télé, je pourrais montrer celui d'un raton laveur qui a une forme très particulière, qui est courbée. Les trappeurs le conservent comme pendentif, même comme bijou. Et dans la grande majorité des cas, donc c'est une baguette qui peut être creuse, qui laisse passer l'urètre dans la gouttière, comme chez les loups et les chiens, par exemple. Donc, la forme varie. Dans la plupart des cas, ça couvre toute la longueur du pénis jusqu'au gland. Mm-hmm. Et voilà. Donc, est-ce que ça en fait un pénis rétractile ou pas? Oui, c'est ça. C'est que les espèces qui ont un os pénien... faut penser que les primates sont exceptionnels à ce point de vue-là. Chez la grande majorité des mammifères, le pénis est caché à l'intérieur du corps, sauf pendant l'érection. On ne le voit pas à l'extérieur. Il est protégé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est visible chez les primates? Alors, il est pendulaire, il est visible chez les primates en toutes circonstances, même quand il n'y a pas d'érection. Donc ça, on ne sait pas pourquoi non plus. Ça sert peut-être de signal social, visuel. Oui, parce que du coup, on voit quand il y en a qui est pendant en inaction et quand il y en a qui est en érection, il y a une différence manifeste qui saute aux yeux peut-être pour la femelle. Oui, il y a une différence. S'il n'y a pas d'os pénien, autrement dit, l'animal qui a un os pénien, peut pratiquement faire semblant d'être en érection parce qu'il y a un os. Alors que s'il n'y en a pas, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas tricher. Mm. Donc, d'une certaine façon, le fait que l'homme n'a pas d'os pénien, ça fait que l'érection est un caractère de vérité. On est sûr de dire la vérité, on ne peut pas se tromper. Là. Alors, passons aux femmes maintenant, et là, c'est un peu l'inverse. Bon, on dit l'homme n'a pas d'os pénien par rapport aux autres mammifères, mais la femme, au contraire, a quelque chose que les autres n'ont pas, que les autres femelles n'ont pas, ce sont des seins. Oui, voilà. Alors, c'est inattendu. C'est inattendu. C'est-à-dire que tous les mammifères ont des glandes mammaires, des glandes qui produisent le lait pour nourrir les jeunes. Ouais. C'est dans toutes, même les espèces comme les monotrèmes et les échidnés d'Australie qui pondent des œufs, la femelle produit aussi du lait. Donc, les glandes qui produisent du lait, toutes les espèces en ont. Mais cet organe qu'on appelle des seins, c'est-à-dire dont la taille est indépendante de la grossesse et de l'allaitement. Par exemple, chez l'humain, une jeune fille de 15 ans qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a jamais eu de grossesse, possède des seins qui peuvent même avoir un volume considérable. Et en plus, la quantité de lait produit n'a pratiquement pas de relation avec la taille des seins. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un réservoir du lait, finalement. Non. Donc, la grande proportion du volume de ce qu'on appelle un sein, c'est pas les glandes qui produisent le lait, c'est du gras, c'est des réserves de graisse. Et ça, c'est unique à l'humain. Mais vas-y. Alors, peu importe, encore une fois, peu importe l'âge, peu importe l'état de reproducteur, les seins sont présents. Et donc, ça fait une réserve une réserve d'énergie sous forme de graisse qui est ostentatoire, si on veut, qui est toujours présente, qui est toujours visible, qu'on peut pas manquer. Donc là, est-ce qu'il y a une fonction évolutive, une fonction biologique? Oui, là, si on arrive à la question des fonctions de ces différences, ça devient difficile parce qu'on est dans le monde plus des spéculations. On peut proposer une spéculation que j'hésite à appeler une hypothèse, parce que pour l'appeler une hypothèse scientifique, il faudrait pouvoir en déduire des prédictions qui sont testables, qui permettent de mettre l'hypothèse à l'épreuve. Donc, on peut avoir une spéculation, et là, le défi consiste à la transformer en prédiction qui en fait une hypothèse. Ouais. Donc, dans le cas des seins, c'est évident que, comme les seins coûtent cher à produire et à transporter, il y a des coûts. Si on se fie à la loi de la sélection naturelle, comme toujours, notre grille d'analyse constante, il doit y avoir des avantages, et les avantages doivent se mesurer en progéniture. Donc, ça doit contribuer au succès reproducteur de la femelle de posséder des seins. Et donc, c'est pas évident de déduire ce que ça pourrait être. Peut-être que le fait d'avoir des seins, les mâles nous semblent, dans la plupart des cas, sensibles à la présence des seins. Donc, ça veut dire que les mâles seraient sensibles à l'état de santé de la femme en voyant d'une façon évidente une réserve d'énergie. Donc, le mâle serait sensible au potentiel reproducteur, à la capacité d'élever des jeunes. Mais là, on est dans la spéculation, encore une fois. Je ne vous dis pas que c'est une démonstration. Alors, le défi pour les auditeurs, c'est de penser une hypothèse, une prédiction qui permettrait de tester cette idée, de voir si elle tient ou si elle ne tient pas. Alors, le défi est lancé. Oui, on va voir si on a des réponses. Et alors, bon, la femme a des seins, avec ses seins, elle montre des caractères sexuels évidents, mais inversement, elle fait plutôt preuve de discrétion pour l'ovulation, alors que ce n'est pas le cas chez les animaux. Voilà, ça c'est encore une très grande surprise, parce que chez la grande majorité des mammifères, je connais très peu d'exceptions à part de l'humain, l'ovulation, c'est l'ovulation qui est ostentatoire. La femelle annonce son ovulation, elle crie son ovulation, soit par des odeurs, des phéromones, soit par des structures anatomiques. On pense par exemple à la vulve très gonflée et rouge là, chez les chimpanzés ou les babouins qu'on a tous vu dans des jardins zoologiques, ou par des comportements. Si on pense à une chatte qui fait la cour au matou, elle est en train d'annoncer qu'elle est prête d'ovulation. Donc, alors, la question se pose, pourquoi est-ce que chez l'humain, on est aussi discret? Si on était capable de détecter un petit peu l'ovulation chez l'humain, on pourrait en conclure qu'on est simplement moins performant que d'autres espèces, comme on est moins bon pour grimper aux arbres, on est moins fort physiquement. Mais il semble que la sélection ait travaillé pour la rendre encore plus discrète, pour faire disparaître tous les signes. Alors que chez toutes les autres espèces de mammifères, encore une fois, la femelle travaille très fort pour annoncer le moment exact de son ovulation, alors que chez l'humain, on ne le fait pas. C'est quand même intrigant. C'est intrigant. Et là, il y a des spéculations, encore une fois, qui peuvent être amusantes, mais qui ressemblent, encore une fois, plus à des spéculations qu'on peut avoir autour d'une bière qu'à des hypothèses scientifiques. Mais on peut le faire autour du micro. On peut le faire autour du micro entre nous. Alors, la spéculation qu'on trouve le plus souvent dans la littérature, c'est que c'est comme le mâle ne connaît pas le moment exact de l'ovulation, il a intérêt à copuler souvent avec la femme et à rester tout près d'elle pour s'assurer qu'elle ne copule pas avec quelqu'un d'autre au moment de l'ovulation. Ah, vous voyez, vu que l'ovulation n'est pas annoncée, chez les autres espèces, par exemple, on pense à une espèce de babouin chez laquelle le mâle dominant dans la troupe laisse les autres mâles s'accoupler avec la femelle tant qu'elle n'est pas en chaleur. Mais quand elle est en chaleur, il monopolise la femelle. Donc là, il s'assure de sa paternité. Ouais. Donc, l'ovulation discrète serait une façon pour la femelle de brouiller les cartes au sujet du moment de l'état de paternité du mâle. Donc, le mâle se voit obligé de rester, de protéger, de surveiller la femelle, de l'empêcher de s'accoupler avec quelqu'un d'autre. Donc, la femelle se retrouve avec un partenaire qui a une tendance polygyne, comme on dit, ou polygame, qui veut chercher d'autres partenaires, mais qui a des raisons d'être monogame, ouais, partiellement, pour s'assurer, ouais, sa paternité. C'est quand même une hypothèse intéressante. C'est un peu tordu, là, comme, mais ça permet à la femelle de garder le mâle à la maison. S'assurer une certaine fidélité, finalement. Voilà. Ouais. Voilà. Et alors, si on poursuit le rythme, la vie de la femme, et on s'aperçoit finalement qu'elle connaît une ménopause. Et là aussi, c'est pas très répandu dans la nature. Mais en fait, est-ce que c'est à cause de l'allongement de l'espérance de vie des humains? Non, pas tout à fait. La ménopause, en fait, si on l'a définit, c'est une période de vie au-delà du dernier événement de reproduction. Mm-hmm. Donc, après avoir eu son dernier jeune, la femelle, chez les autres espèces, la femelle essentiellement met toutes ses énergies dans la reproduction. Donc, elle arrive à la fin de sa vie, il reste relativement peu de vigueur et d'énergie. Donc, elle met son énergie et ce dernier événement de reproduction, le dernier enfant qu'elle a, ça termine sa vie parce qu'elle ne peut pas survivre plus longtemps. Alors que la ménopause permet de survivre longtemps. Donc, c'est curieux d'avoir un individu, encore une fois, selon les lois de la sélection naturelle, d'avoir un individu qui continue de survivre au-delà de sa dernière reproduction. Mm. Alors, l'explication chez l'humain et les quelques autres rares espèces où on voit ce genre de période, il y a deux explications, en fait. La première, c'est que comme la période d'élevage d'un enfant humain est relativement longue, mm-hmm, la mère a avantage à survivre au moins quelques années au-delà de sa dernière grossesse. Oui. Et en plus, il y a un autre effet qui s'ajoute, c'est ce qu'on appelle l'effet grand-mère ou l'hypothèse grand-mère. C'est qu'une femme qui survit au-delà de sa dernière reproduction développe crée l'opportunité de collaborer à l'élevage de ses petits-enfants. Donc, les enfants de ses premiers enfants De sa fille, par exemple, ouais, les premiers enfants de sa fille. Donc, la mère se retrouve donc dans une situation où elle est trop vieille pour assumer ou trop faible pour assumer les coûts de la grossesse et de l'allaitement elle-même. Mais c'est comme si elle devenait une mère supplémentaire à temps partiel, si vous voulez, parce qu'elle... Ouais. Et comme ses petits-enfants portent le quart de ses gènes, bien, s'occuper de ses petits-enfants, ça contribue à son succès reproducteur à elle, puisque ça permet la transmission de ses gènes par l'effet grand-mère. Ouais, effectivement. Donc, et les autres espèces chez lesquelles on voit des périodes de ménopause plus courtes que chez l'humain quand même, c'est des espèces aussi où l'organisation sociale crée l'opportunité de la grand-mère. Alors, il faut une organisation sociale qui fait en sorte que le groupe est relativement constant sur plusieurs générations pour que les individus reconnaissent que ce sont ses petits-enfants et sa fille dont elle a avantage d'aider ou contribuer à l'élevage de ses enfants. Est-ce que c'est ce qu'on voit chez les éléphants, quand on parle chez les éléphants de l'éléphante matriarche? Pas tout à fait. Il y a une période de ménopause, si on veut, chez l'éléphant, mais qui est beaucoup plus courte. Mm. Donc, qui dure presque uniquement le temps nécessaire pour élever son dernier jeune. Mm. C'est la même chose chez les chimpanzés. Alors, l'effet grand-mère, vous voyez, nécessite une survie au-delà donc une ménopause une période sans ovulation et sans grossesse. Mm. Oui, donc Cyril, là, on a vu le propre de l'homme et de la femme à travers les caractères anatomiques, mais maintenant, sur le plan de la sexualité et de la reproduction, l'homme et la femme ont aussi quelques inventions qui leur sont propres du point de vue social. Donc, par exemple, il y a quand même certaines inventions qui vont à l'encontre de la reproduction, puis ça semble pas très naturel. Je ne pense pas qu'on voit ça chez les autres espèces. Non, non, non, non, non, non, non, non. C'est un exemple de l'affirmation que je fais assez souvent à l'effet que l'humain, à part des animaux domestiques, l'humain est à peu près la seule espèce qui s'est émancipée des obligations de la sélection naturelle. Mm-hmm. Donc, l'humain est la seule espèce qui fait des choses qui vont à l'encontre de la nature, qui sont à contre-courant des adaptations. Alors, par exemple, au niveau de la reproduction, on a inventé l'avortement. Oui. On a inventé le contrôle des naissances, la décision de ne pas avoir d'enfants. On peut pas trouver ça chez une autre espèce. Donc, chez nous, libérés des contraintes de la sélection naturelle, on est comme libre à la limite même, de faire ce qui est le plus contre nature ou pratiquement. C'est complètement contre nature, c'est. De ne pas avoir d'enfants. On ne peut pas imaginer ce caractère-là, s'il a la moindre base génétique, on ne peut pas l'imaginer se propager chez une autre espèce. Ben non. Puisque ces gènes-là travaillent immédiatement à leur propre élimination. Ouais. Donc, pour faire ça, il faut être déconnecté en partie de la sélection naturelle, donc pour pouvoir contrôler la reproduction et même empêcher la reproduction. Mmh. On pense par exemple aux gens qui sont des religieux qui ne se reproduisent jamais de leur vie. Mmh. On peut pas imaginer ça dans une autre espèce. Mmh. Mais inversement, il y a des gens qui adoptent des enfants. Donc là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. On a encore une fois libéré la sélection naturelle. Ouais. On est plus soumis à ces contraintes. Donc on peut, on, même si quelqu'un physiquement ou physiologiquement est incapable de se reproduire, bien nous, on a inventé des façons de permettre la reproduction, de ne pas être soumis à son destin biologique, si on veut. Et l'adoption en est un bel exemple. Les parents adoptifs font exactement, socialement, psychologiquement, font exactement le même travail ou le même parcours que les parents biologiques, mais ils ont adopté un enfant qui ne porte pas leur gène. Mm-hmm. Donc, ça va à l'encontre de la sélection naturelle. C'est pas une critique que je fais là. C'est d'illustrer le fait qu'on est libéré, donc on est capable de faire ce genre de choses-là, donc l'adoption. Et on pense à tout l'univers de la procréation assistée. Toutes les dimensions de la procréation assistée, on ne trouve pas ça chez les autres espèces non plus. Mm-hmm. Mais là, on ne voit évidemment pas la procréation assistée chez les animaux. On ne voit pas comment ça pourrait être fait. Mais est-ce que dans la nature, il existe des cas d'adoption? L'adoption d'un bébé neveu ou d'un membre éloigné de la famille, par exemple? Oui, on observe des cas, mais on les compte sur les doigts de la main. C'est très, très rare. Ah oui? Je pense à un cas particulier sur lequel j'ai travaillé avec un étudiant chez le phoque gris. Chez le phoque gris, les animaux se reproduisent sur la glace mobile, sur la banquise. Et comme la glace est mobile, la femelle allait son jeune sur une période qui est très courte, qui est 2 semaines dans le cas du phoque gris. La raison pour ça, c'est que la probabilité qu'elle soit séparée de son jeune est quand même assez élevée. S'il arrive une tempête, la glace se disloque, elle peut être séparée de son jeune. Si c'est avant le sevrage, le jeune est condamné. Donc, quand ça arrive, le jeune est condamné à moins que par hasard, il se trouve à proximité d'une autre mère qui vient de perdre son jeune. On se retrouve avec une mère qui est en état d'allaitement, qui produit du lait, un jeune qui est affamé. Donc, on a observé quelques cas qu'on compte sur les doigts de la main d'une adoption. Mais c'est tout à fait exceptionnel et c'est très, très rare. On voit normalement pas ça. Encore une fois, la même loi de la sélection naturelle qui dicte aux individus de favoriser la transmission de leur gène empêche une femelle de favoriser la transmission des gènes d'un voisin ou d'une voisine. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que l'adoption est très, très rare. Mm-hmm. Mais on en connaît des cas qui sont intrigants. Et encore une fois, comme dans le cas de l'absence de l'os pénien, vu que c'est une exception, ces cas méritent d'être observés et de tenter de les expliquer. Ouais. Mm-hmm. Ça empêche de faire des généralités. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a toujours une exception qui confirme la règle, selon l'expression. Et dans le cas des oiseaux qui adoptent des espèces, là, je ne sais plus comment on les appelle, ces espèces-là, qui adoptent des petits d'une autre espèce, qui ne les adoptent pas, mais quand une femelle ou un œuf est déposé dans le nid d'une autre espèce. Oui. Donc, est-ce que ça, c'est un cas d'adoption? Ça, c'est pas un cas d'adoption, c'est un cas de manipulation des instincts, si on entre guillemets, de l'espèce des coucous, par exemple. Ouais. Alors, la femelle se retrouve avec un oisillon dans le nid qui est beaucoup plus grand que le sien, beaucoup plus gros que le sien, qui est très avide, qui peut rejeter le sien. Mais les réflexes comportementaux, les instincts de cette femelle-là sont piratés, sont kidnappés par l'oisillon étranger. Donc, c'est un cas d'utilisation des instincts. C'est comme pour la femelle elle-même qui nourrit un poussin d'une autre espèce, c'est un cas pathologique. Elle perd toute son énergie à assurer la survie des gènes qui sont même pas de la même espèce qu'elle. Ouais. Donc, Donc, la sélection naturelle, on devrait s'attendre à ce qu'elle lutte pour favoriser l'élimination de ce genre de caractère. Mais il y a des forces, la force contraire de l'autre espèce qui veut faire élever ses jeunes qui veut parasiter le nid de ses coucous. Bien, les deux forces sont en jeu. Et puis, on peut s'attendre à ce que ce soit une situation qui ne puisse pas durer très, très longtemps au point de vue évolutif sur une longue période. C'est une situation de déséquilibre, mais ça existe. C'est quelque chose qu'on observe, oui. Encore une fois, dans la nature, on observe tout en cherchant bien. On observe des exceptions, même aux grandes lois comme celle de la sélection naturelle. Et finalement, Cyril, il faut bien dire que l'acte sexuel chez l'humain est loin d'être un acte uniquement reproductif, parce que peut-être aussi justement parce que on ne sait pas exactement quand la femelle est en période d'ovulation, donc il faut avoir des actes sexuels un petit peu tout le temps. Et est-ce que le propre de la sexualité humaine, ce serait pas d'avoir déconnecté l'acte sexuel de la reproduction par rapport aux animaux? Oui, absolument, absolument. Chez toutes les autres espèces, on peut, si je donne un chiffre comme ça globalement, au moins 95 ou 98% des populations ont comme objectif la reproduction. Chez l'humain, c'est le contraire. On s'arrange pour qu'au moins 98% des populations ne mènent pas une grossesse. Donc, encore une fois, c'est une illustration de notre libération de la sélection naturelle. On est capable de déconnecter le sexe de la procréation, de la même façon qu'on est même capable de déconnecter le sexe du genre chez l'humain. Donc, on a une liberté d'avoir une grande diversité de genre. Chez toutes les autres espèces, en tout cas, la grande majorité des espèces, la situation est très simple. On a des mâles hétérosexuels et des femelles hétérosexuelles, et c'est tout, sauf exception. Alors que chez l'humain, on a une grande diversité de je ne sais pas si je devrais dire de couleur de l'arc-en-ciel ou de teinte de gris. On a une grande diversité sexuelle parce qu'on est libéré des contraintes de reproduction, de procréation. Et on n'a pas trop le temps d'en parler, mais on aurait pu aborder aussi tous les comportements de viol ou de pédophilie ou autres qui peut-être n'existent pas vraiment dans la nature non plus. Qui existe un tout petit peu dans la nature. Oui. Il existe des phénomènes de genre-là, peut-être pas de pédophilie, mais d'infanticide, par exemple. Ah, un oui. mâle qui tue les jeunes de quelqu'un d'autre. Ou le viol est relativement rare. Les copulations forcées, c'est relativement rare, mais ça existe. On connaît certains cas. Et l'humain se distingue pas nécessairement par l'existence de ces phénomènes, mais par la prévalence, peut-être, des phénomènes. Ah, oui. C'est beaucoup plus répandu chez l'humain que chez les autres espèces. Bien, merci beaucoup, Cyril, pour cette comparaison de notre sexualité avec celle de nos cousins, les primates, et celle de tous les autres mammifères. Donc, je rappelle, Cyril, vous êtes professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Merci. Merci beaucoup.